t'en penses, les gens mettent tout dans le même panier. C'est casse-gueule comme de la glace et quadrillé comme un damier. Les bénéfices, les mecs confondent avec les coups d'archi, les coups de vis. Les sales histoires pour de vieux bouts de shit, la drogue ou la picole. On choisit plus, on fait des sales mélanges, on fond le jour, la nuit. Vivant la semaine comme si c'était dimanche, le soleil, l'orage, nique sa mère, tu sais, on fait avec, j'suis pas là pour faire le beau. J'suis pas de ces mecs qui font gonfler leur pec. J'ai confondu ma vie, j'ai cru qu'ici je pourrais l'apaiser. Mais j'dois durement la vivre, histoire de fuir le foie de mes péchés. Tout se mélange, sauf la différence que langue engraine, tous feignants. Pour faire un mix ethnico-culturel, on confond beaucoup. Analyse un peu dans un monde faux cul, à comportement douteux. Fuck, trop de paraître, les vrais se reconnaîtront, ma clique confond pas les traîtres. Mes frères se risquent au bise, ouais pour de l'argent. Remplir le compte de bif, oblige, ouais viser l'argent. On sait qu'ici y'a pas de prodige, on fait les barges. Et si Noé revenait, il nous prendrait pas dans son arche, non. Ils confondent M6 et la réalité. Dégénérés, ils croient qu'on est, ils font que des généralités. Y'a que les sportifs ou les acteurs qui peuvent vraiment s'intégrer. Et ouais comme quoi mes détracteurs adorent les noirs par intérêt. Je sais, nos plaies sont profondes mais faut qu'on reste digne. Les députés sont tous des putes et faut lutter comme en Palestine. J'place mes rimes, là où les changements ne se font pas. Sur l'état je ne compte pas, alors te plaît ne me confonds pas. Avec ces gens qui font mal les choses va. Mais j'en ai marre de l'époque, c'est pour ça que je voudrais planer comme Marley Bob. Mon pote, confond pas vitesse et précipitation. En bas de l'échelle on reste près du précipice de façon. Ne pas confondre le bien et le mal. T'es dans le haram, t'es rapote et tu joues les bioman. Tu crois faire les choses bien, t'es un âne. Tu confonds mal et bien et t'attends qui te condamne. Ne pas confondre les vérités et les blabla. On croit pas ce qu'on voit pas et sa foi et ma foi est bien plus forte que ça. Les vérités se trouvent dans l'islam. Ne pas confondre la pauvreté et la richesse. C'est comme confondre le tiers état et la noblesse. C'est comme comparer une femme à une histoire de fesses. Ou comme un coup de pute dans le thorax pour une histoire de sexe. Ne pas confondre le temps libre et la famille. Le din et les amis, enfin l'équilibre de la vie. Attends j'examine, tous possèdent un calibre. Ne confonds pas le temps d'Ali Baba et Mohamed Ali. Ne pas confondre le meurtre et la mort. Comme les meurtres d'Aliya, Tupac ou Biggie Small. Bizarre alors. Dans nos halls, on est confronté à la crime. On sait ce qu'on a à faire afin de respirer encore. Ne pas confondre journalistes et terrorisme. Illuminati contrôle tout et provoque même des séismes. C'est au pied de ta mère que se trouve ton paradis. Petit rentre à la maison, n'oublie pas qu'il y a un rabbi. Les traces et les balas, les shabs et les billets. Le crack et le taga, l'espoir et les prières. Ta femme et le Dallas, l'histoire et le ciné. Le savoir et le famas, le square et la zomé. L'or et la richesse, ouais la peine et la pitié. Les larmes et la tristesse, les potes et l'amitié. Regarde comment on s'égare, fille, bagarre, flic et money. Regarde comment c'est d'art, on se regarde, nique et nos vies. Ne confonds pas, ta vie est celle de Tony. Les amis, les putes, les tomis, la ferme était restée polie. Ne tombe pas dans le bise, la tolle, les conneries. Le juge, le proc, les commis, reste propre et stop les folies. On se presse dès le départ, mais on crève tous à l'arrivée. Ouais. Si notre vie est un cauchemar, c'est qu'on se crève à la rêver. Ouais. Prends garde, ne confonds pas audace et vanité. Frère, garde au fond de toi au moins une trace d'humanité. Ne pas confondre le bien et le mal. T'es dans le haram, t'es rapote et tu joues les bioman. Tu crois faire les choses bien, t'es un âne. Tu confonds mal et bien et t'attends qui te condamne. Ne pas confondre les vérités et les blabla. On croit pas ce qu'on voit pas et sa foi et ma foi est bien plus forte que ça. Les vérités se trouvent dans l'islam. Ne pas confondre le bien et le mal. T'es dans le haram, t'es rapote et tu joues les bioman. Tu crois faire les choses bien, t'es un âne. Tu confonds mal et bien et t'attends qui te condamne. Ne pas confondre les vérités et les blabla. On croit pas ce qu'on voit pas et sa foi et ma foi est bien plus forte que ça. Les vérités se trouvent dans l'islam. Comment tu fais ça? Subhanallah, t'es quoi toi? T'es un prophète ou quoi?